السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، parmi les adorations qu'on trouve dans le Coran al-Karim, dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Amin, il y a at-tawbah, le repentir. Et en cette fin du mois de Ramadan, tout comme le croyant dans sa vie de manière générale, doit sérieusement penser au repentir. Qu'est-ce que le repentir? Le repentir, c'est le fait de revenir vers Allah en délaissant la désobéissance. En délaissant la désobéissance. Et pour ce faire, la personne regrette son péché. Pour ce faire, la personne délaisse et arrête son péché. Pour ce faire, la personne a la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Elle fait cela sincèrement pour Allah. Voici ce qu'on appelle at-tawbah. Voici ce qu'on appelle un repentir. Et pour qu'il soit accepté chez Allah, il faut qu'il soit sincère. La personne délaisse le péché à la recherche de l'agrément d'Allah, par peur de la punition et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi de mieux pour le jeûneur, quoi de mieux pour le musulman que de finir le mois de Ramadan avec un repentir sincère, avec un retour vers Allah, ce qu'on appelle al-inaba, en accourant vers lui, en faisant ce qu'il agrée, tabaraka wa ta'ala. Et en effet, tout serviteur est pécheur, tout croyant a des fautes, des imperfections, des défauts et des péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala efface et corrige cela par le repentir du serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Kullu bani Adam khatta' wa khayrul tawwabu wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tout fils de Adam est sujet à la faute et est pécheur. Et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran le repentir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé dans la sunna au repentir. Dans sourate Hud, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la da'wa des prophètes. Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Et demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Repentez-vous à lui. Donc ça, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Également dans sourate An-Nur, Allah Azza wa Jal nous dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin d'obtenir le succès. Donc voici l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et se repentir doit être sincère. Se repentir doit réunir les conditions. C'est pour cela que dans Sourate At-Tahrim, Allah Azza wa Jal nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ainsi votre Seigneur vous effacera vos péchés, vos fautes, et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Très nombreux sont les textes qui sont venus pour nous encourager au repentir. Et il nous suffit de savoir que notre exemple, le meilleur des prophètes et des messagers, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, se repentait quotidiennement un très grand nombre de fois, à un point tel que l'imam Muslim rahimahullah ta'ala nous rapporte, selon Al-Arar ibn Yasar Al-Muzani radiyallahu anhu, Ya ayyuhan nas, toubou ila Allahi wa astaghfirou, fa inni atoubou fil yawm mi'ata marra. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car certes, je me repens 100 fois par jour. Je me repens 100 fois par jour. Subhanallah. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, Abu Huraira nous dit, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Abu Huraira nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire, je demande pardon à Allah et me repens à lui en un jour plus de 70 fois. Plus de 70 fois. Parmi les grands mérites du repentir, et parmi les plus grands hadiths qui nous encouragent à cela, le fait qu'Allah Azza wa Jal se réjouisse du repentir de son serviteur. Allahu Akbar. Allahu Yafrah. Allah se réjouit. Allah aime te pardonner. Allah aime ton retour vers lui. Allah Azza wa Jal préfère te pardonner que de te châtier. Il préfère nous pardonner que de nous châtier. Malgré qu'on le mérite, malgré que nous avons des fautes et des péchés. Mais sa miséricorde a précédé sa colère. Anas ibn Malik nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu ashaddu farahan bi tawbati abdi. حين يتوب إلي من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Anas ibn Malik dans le recueil de l'imam Muslim, Allah se réjouit encore plus du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui que l'un d'entre vous qui est avec sa monture sur une terre déserte. Et elle lui échappe, elle se sauve, alors qu'elle a sur elle sa nourriture et sa boisson. Il désespère d'elle. Alors il va, il trouve un arbre et s'allonge auprès de cet arbre, à l'ombre de cet arbre. Il a désespéré de retrouver sa monture. Alors qu'il est dans cet état-là, donc vous comprenez bien, c'est une personne qui est dans une terre désertique, qu'est-ce qu'il attend? Il va attendre la mort. Alors qu'il est dans cet état-là, c'est alors qu'il l'aperçoit devant lui, debout. Il se saisit de son mort et il y en a ce qui ferait Naam de son mort et dit par excès de joie, ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé tellement il était plein de joie. Rapporté par l'imam Muslim. Cette joie-là, qu'Allah a subhanahu wa ta'ala, est plus forte, plus intense que la joie de ce serviteur qui aurait retrouvé sa monture après avoir désespéré d'elle et de la vie. Allah Azza wa Jal ibn Athamin nous dit, وإنما يفرح سبحانه بتوبة عبدي لمحبتي للتوبة والعفو ورجوع عبده إليه بعد هربه منه. ابن عثيمين رحمه الله تعالى nous dit. Et Allah, exempt soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures, se réjouit du repentir de son serviteur parce qu'il aime le repentir. Il aime l'absolution. Il aime le retour du serviteur à lui après qu'il se soit enfui de lui. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا تراب ويتوب الله على من تاب. الإمام البخاري مسلم mentionne le hadith de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le fils de Adam avait une vallée d'or, il aurait aimé en avoir deux. Et rien ne remplira sa bouche si ce n'est la poussière, ni la tombe, la mort. Et Allah accepte le repentir de ceux qui se repentent. Et Allah accepte le repentir de ceux qui se repentent. Donc on doit bien comprendre ce qu'est le repentir. Le repentir, c'est le fait de délaisser les péchés, de revenir à Allah, à son obéissance. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, c'est la seule divinité qui mérite d'être adorée, c'est notre Seigneur, notre Maître. Il nous a donné des ordres et des interdits. Il nous a donné des informations, il nous a annoncé des bonnes nouvelles et des menaces. On se doit donc d'accepter la bonne nouvelle d'Allah et d'œuvrer pour l'atteindre. On se doit donc d'obéir à notre maître, notre Seigneur. On se doit donc de délaisser sa désobéissance. On doit revenir à lui, repentant. On doit revenir à lui, rabaissé. On doit revenir à lui avec amour, crainte et espoir. Avec amour, crainte et espoir. Et si le serviteur fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne. Et le jugement du repentir est bien évidemment l'obligation. Et nous n'avons pas le droit de retarder le repentir. Et celui qui retarde le repentir devra se repentir d'un autre repentir pour avoir retardé cela. Comme a expliqué Ibn al-Qayyim, on doit se repentir du péché. Et en plus de cela, on doit se repentir d'avoir retardé le repentir. On doit donc accourir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah. Sauvez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala avant que la mort ne survienne, avant que l'ange de la mort arrache ou se saisisse de notre âme avec ce qu'il est. Soit les anges de la miséricorde, soit les anges du châtiment. Wallahu al-musta'an. Et plus la personne commet des péchés, reste dedans, plus elle les réitère, plus elle repousse le repentir, plus son cœur s'endurcit, se noircit, et plus elle trouvera difficile le repentir. En effet, la foi augmente avec l'obéissance d'Allah, et elle diminue avec le péché. Et si la personne ne cesse pas de faire des péchés, Allah Azza wa Jal lui voile le cœur. Allah Azza wa Jal lui voile le cœur. À ce moment-là, il ne distingue même plus entre le bien et du mal, il n'a même plus honte du mal. Il n'a même plus honte du péché, il commence à faire ses péchés en public, sans se cacher. Wallahu al-musta'an. Et al-shaytan est celui qui pousse et qui excite le serviteur afin qu'il désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'uzuhum azza. Il ne faut donc jamais minimiser les péchés. Al-shaytan pousse le serviteur à tomber dans la mécréance et le shirk. S'il n'y arrive pas, alors dans l'innovation. S'il n'y arrive pas, alors dans les grands péchés. S'il n'y arrive pas, alors dans les petits péchés. Et ainsi de suite. Et le repentir est obligatoire pour tout péché. Le plus important et le plus obligatoire, c'est de délaisser la mécréance et le polythéisme. Puis les grands péchés, puis les petits péchés. Wahakada. Pour que le repentir soit comme Allah nous l'a ordonné, il y a 5 conditions à respecter. La première, c'est qu'il soit sincèrement accompli pour Allah Azza wa Jal. Ce qui le pousse à délaisser le péché, c'est l'amour d'Allah. C'est la vénération d'Allah. C'est la crainte d'Allah. C'est l'espoir de sa récompense, la peur de son châtiment. C'est pas pour avoir plus de choses de la dunya. C'est pas pour épouser une femme. C'est pas. Non, c'est pour Allah. Ça, c'est la première condition. Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure? La deuxième condition, ça doit être un repentir qui est basé sur le regret. Il regrette ce qui est passé. Ça lui fait mal au cœur d'avoir désobéi à Allah Azzawajal. Il s'humilie, il se fragmente devant son Seigneur. Il a honte de lui. Il déteste ce qu'il a commis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « An-nadamu tawba ». Le regret, c'est déjà un repentir. Et celui qui se repent, c'est comme s'il n'avait jamais commis de péché. La troisième condition, c'est « An yuqli'a anil ma'asiyya fawran ». C'est qu'il délaisse le péché immédiatement. Immédiatement. Donc, il doit... Donc, si le péché, c'est le fait, c'est une désobéissance, il doit la cesser immédiatement. Et si le péché, c'est le fait de délaisser une obligation, il doit l'accomplir immédiatement. Immédiatement. Donc, il ne doit pas repousser cela, il ne doit pas continuer. Il ne doit pas continuer. Il doit cesser immédiatement le péché. Celui qui, par exemple, délaissait la prière ou ne priait pas à l'heure, il doit demander pardon à Allah, il doit regretter, il doit être sincère, il doit immédiatement prier à l'heure. Celui dont le péché était de fréquenter des femmes dans le haram, il doit se séparer immédiatement, il doit arrêter immédiatement. Et ainsi de suite. Celui qui travaillait dans l'illicite et livrait de la viande de porc ou bien de la viande non sacrifiée selon les rites de l'islam, de la viande pas halal, il doit se repentir immédiatement et arrêter ce péché. Celui qui parlait sur ses frères, sur ses sœurs, derrière leur dos, il faisait de la médisance, il doit cesser immédiatement et se repentir, et ainsi de suite. Les exemples sont très nombreux. Wallahu al-musta'an. Et si ce péché est en relation avec une créature parce qu'il lui a enlevé son droit, il l'a volé par exemple, ou il a touché à son honneur, où il a menti sur lui, ben il doit immédiatement aller réparer. Il doit immédiatement restituer le droit de la personne et aller réparer. L'assise dans laquelle il a dit le mal, il doit informer ces gens-là de son repentir et il doit corriger sa parole. Il doit corriger sa parole, sinon le repentir ne sera pas valable. Il doit restituer le droit de la personne. Et dans le cas où celui sur lequel on a parlé a la poitrine large et qu'on pense qu'il va accepter et qu'il est facile à vivre et ainsi de suite, on l'informe. Et dans le cas où ça va amener un mal, on ne l'informe pas, mais on invoque en sa faveur et on se corrige en contactant les gens devant qui nous avions parlé. Barakallahu fikum. Ou bien on peut contacter la personne et lui dire de manière plus générale, sans entrer dans les détails qui pourraient le blessé qui pourrait être au-dessus de sa capacité d'accorder son pardon. Ça, c'est dans le cas où il est vivant. Dans le cas où la personne est décédée, on restitue le droit à ses ayants droit, à ses héritiers par exemple, si ce sont des biens et autres. Et dans le cas où on ne peut pas les trouver, alors on fera une aumône. On fera une aumône. Et Allah Azza wa Jal connaît son intention. Et quelle noblesse pour le croyant que d'aller trouver celui qu'il a opprimé pour lui demander pardon avec humilité, à la recherche de l'agrément d'Allah, par crainte de son châtiment. Shaitan nous fait croire que ça c'est une humiliation et c'est une faiblesse. Au contraire, ça c'est une force de demander pardon à son frère, d'aller le voir, de lui dire je me suis mal comporté, j'ai fait ceci, cela, j'ai été injuste, astaghfirullah, atoub ilayh, puis je te demande pardon, j'espère que tu trouveras la force de m'excuser, de me pardonner. Et de dire les mots qu'il faut pour qu'il accepte. Pas demander pardon avec orgueil. On demande pardon, mais avec orgueil. Non, on ne veut pas se rabaisser, mais c'est juste pour le geste. Non, ça n'est pas le pardon qu'Allah veut de nous. Ça n'est pas le comportement qu'Allah veut de nous. Mais on va trouver les mots adéquats pour montrer qu'on s'excuse réellement, qu'on regrette réellement. Non. Et si on ne peut pas parler à la personne ou aller la voir, on peut lui téléphoner. Si on ne peut pas, on peut lui écrire une lettre, ainsi de suite. Mais que la personne voit cela et qu'elle accepte de nous, de peur de trouver Allah Azza wa Jal en colère contre nous le jour dernier, de peur que cette personne nous prenne nos hasanat. Yawm al-qiyamah. La quatrième condition, c'est al-azmu ala adam al-audati ila dhanb fil mustaqbal. C'est la détermination quant au fait de ne plus recommencer ce péché dans le futur. Car ça, c'est le signe de la véracité du repentir du serviteur. C'est qu'il n'a pas de doute. Il ne se dit pas, une fois le ramadan passé, je vais retourner au péché. Là, je jeûne, je ne peux pas faire tel péché, boire de l'alcool, faire ça, mais après, j'y retournerai. Aouzoubillah. Ça, ce n'est pas un repentir. Ça, c'est une personne qui ne peut pas faire le péché pour le moment, qui a déjà prévu de désobéir Allah Azza wa Jal, qui a déjà prévu de voyager vers tel endroit pour faire le haram, ou de contacter telle personne pour faire le haram, ou pour acheter ou vendre tel haram. Non, ce n'est pas repentir, ça. Le repenti, il a la ferme intention de plus jamais recommencer ce péché. Il n'a pas de doute sur cela. Il est déterminé. Il veut Allah, il veut l'au-delà, il veut le paradis. Donc, c'est pas, il n'a pas mis entre parenthèses son péché pour retourner par la suite, en suspens. Non, mais il est déterminé. Donc, la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché-là dans le futur. Peut-être qu'il va faiblir un jour et faire un péché. Mais là, au moment où il se repent, il a cette intention-là ferme, c'est accepté chez Allah. La cinquième condition, c'est que le repentir doit être fait dans le temps où Allah l'accepte encore. Et cela se divise en deux. Il y a un temps général, c'est avant que le soleil se lève de son couchant. Et il y a un temps particulier, c'est avant que le défunt arrive à l'agonie. Avant que la personne arrive à l'agonie, au moment où on retire son âme. Au moment où on retire son âme, Allah n'accepte plus le repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant ça dans le Coran, Allah nous dit dans Sourate Al-An'am, le verset 158, vous regarderez la traduction des sens de ce verset. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, aucune âme ne tirera profit de sa foi, sauf celle qui avait cru avant cela. Donc, ce jour-là, le jour où le soleil va se lever de son couchant, la porte du repentir sera fermée. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu tawbatu tuqbalu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Le repentir ne cessera d'être accepté tant que le soleil ne se lèvera pas de son couchant. Man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi. Dans le cas d'un musulman, celui qui se repent avant que le soleil se lève afin de son couchant, Allah accepte son repentir. Allah accepte son repentir. Et le temps particulier, c'est l'agonie. Arrivé à l'agonie, Allah Azza wa Jal n'accepte plus le repentir du serviteur. Lisez dans Sourate An-Nisa, le verset 18, la traduction des sens. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Et le repentir n'est pas pour ceux qui font les péchés. Et une fois que la mort se présente, disent je me repens maintenant. Non, à l'agonie, Allah n'accepte plus cela. Et dans le hadith de Omar ibn Khattab, ou plutôt Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Allah yaqbalu tawbat al-abd inna Allah yaqbalu tawbat al-abd ma lam yugharghir. Dans le recueil d'Imam Ahmed al-Tirmidhi, certes Allah accepte le repentir du serviteur tant que ce dernier n'agonise pas. À partir du moment où la personne a réuni ces conditions-là, Allah Azza wa Jal accepte son repentir et lui efface ses péchés passés. Quel que soit le nombre de péchés, quelle que soit la grandeur de la désobéissance. Dans Sourate Az-Zumar, Allah Azza wa Jal nous mentionne cette généralité absolue. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dieu, vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Pardonne les péchés entièrement. C'est lui qui est certes le grand pardonneur, le très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pardonne il nous faut revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se comporte ainsi, yajidillaha ghafuran rahima, il trouvera Allah envers lui, grand pardonneur et très miséricordieux. Il nous faut donc nous empresser d'accomplir cette adoration aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait beaucoup at-tawbah, la formule de tawbah. Abdullah ibn Amr nous dit, on comptait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une seule assise, 100 fois, Rabbi ghfirli wa tub alayhi innaka anta tawwabur rahim. Mémorisez cela. Rabbi ghfirli, ô mon Seigneur, pardonne-moi. Wa tub alayhi, accepte mon repentir. Innaka anta tawwabur rahim. C'est toi, certes, qui es le grand accueillant repentir, le très miséricordieux. Ce hadith est dans Sunan Abi Daoud. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a authentifié ou l'a retenu dans sa correction de Sunan Abi Daoud. Rabbi ghfirli wa tub alayhi. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Notez ce hadith, mémorisez-le, c'est le hadith d'Abdullah ibn Amr. Pardon, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar. C'est le hadith d'Abdullah ibn Omar. On dénombrait de la part du messager d'Allah dans une seule assise, 100 fois, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Accepte mon repentir. Tu es certes le grand accueillant repentir, le très miséricordieux. Le hadith dans Sunan Abi Daoud. Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragé au repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés au repentir. Qu'avons-nous à perdre en nous repentant? Qu'avons-nous à perdre si on ne se repent pas? Posons-nous cette question. Al-Shaytan vient au serviteur et lui fait croire que s'il se repent, il ne pourra plus profiter de la vie. Il ne pourra plus tirer des... Il pourra plus jouir de certaines choses de ce bas-monde, de certaines choses éphémères de ce bas-monde, alors que la réalité est tout autre. Mais il lui faut observer le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et questionner sur ce qui est licite de faire, de ce qui ne l'est pas, et utiliser les bienfaits de ce bas-monde de la manière que ton Seigneur, celui qui t'a donné ces bienfaits, te l'a permis, tout simplement. Par contre, qu'avons-nous à perdre si on ne se repent pas? On a à perdre Allah subhanahu wa ta'ala, son agrément, sa satisfaction, son amour. On a à perdre le paradis vaste comme les cieux et la terre. On a à perdre la bonne vie dans ce bas monde en réalité. On a à perdre la proximité avec Allah azza wa jal. On a tout à perdre en réalité. Car de toute chose que tu perds, tu peux avoir un remplacement ou un remplaçant. Mais si tu perds Allah azza wa jal, qui après Allah azza wa jal pourra combler ce manque que tu auras? Allahum musta'an. Ne sais-tu pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala étend ses mains la nuit pour que ceux qui ont péché le jour lui demandent pardon et se repentent à lui? Ne sais-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala étend ses mains le jour pour que ceux qui ont péché la nuit se repentent à lui, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant? Ceci est un hadith authentique. C'est le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari rapporté par l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah azza wa jal yabsutu yadahu bil layl liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'u al-layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Allah musta'an. Ô combien est généreux notre Seigneur, ô combien est accueillant repentir notre Seigneur. L'obligation, on a dit que c'est de se repentir directement. Malgré cela, Allah Azza wa Jal est bon envers nous. Il accepte même avec le retard le repentir. Rabbi ghfir lana وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Après avoir entendu ces textes, il faut avoir le courage d'abandonner les péchés. Il faut avoir le courage d'abandonner le péché. Et c'est cette barrière qui est dure à franchir. C'est cette barrière qui est dure à franchir. On ne doit pas se mettre des barrières qui nous coupe d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son agrément. Et si on regarde dans la biographie de ceux qui ont compris l'islam, les premiers croyants, les compagnons du prophète alayhi salat wa salam, on verra la force de repentir qu'ils avaient, subhanallah. L'un d'eux délaissait même les choses licites de peur de tomber dans l'illicite. On trouve dans les paroles des pieux prédécesseurs, on trouve dans les paroles des tabi'in, atba'u tabi'in, ainsi de suite. Naam, des paroles magnifiques. Un homme est parti voir Abdullah ibn Abbas. Il lui a mentionné un péché gravissime. Il lui a dit, est-ce que je peux me repentir? Abdullah ibn Abbas lui a dit, est-ce que ta mère est vivante? Est-ce que ta mère est vivante? Yani Abdullah ibn Abbas l'oriente vers une des actions qu'il voit la plus salutaire pour le serviteur. Birrul walidayn. Birrul walidayn. Le prophète sallam nous dit Atbi'i sayyi'at al-hasana tatamhuha, et fait suivre le péché d'une bonne action, elle l'effacera. Naam. L'homme, vous connaissez tous le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes, puis 100 personnes, puis il a voulu se repentir. Il a demandé, ou bien il a tué 99 personnes, il a voulu se repentir. Il a demandé à un homme pieux, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit 99, non. Alors il l'a tué, a complété avec lui le nombre de 100. Puis, il a questionné sur la une personne de science. On lui a indiqué un savant. Il lui a dit, j'ai tué 100 personnes, puis-je me repentir? Il lui a dit, qui se mettra entre toi et ton repentir? Mais tu vis dans un endroit qui est mauvais, une mauvaise terre, déplace-toi et va dans tel endroit, il y a des gens qui adorent Allah seul, adore Allah avec eux. Il lui a dit de faire la hijra. Et en chemin, il est décédé. L'ange de la mort est venu à lui, les anges de la miséricorde et du châtiment se sont disputés cette âme-là. Les anges du châtiment ont dit, il n'a jamais fait de bien, c'est-à-dire très peu de bien. Les anges de la miséricorde ont dit, il est parti repentant à Allah. Alors Allah Azzawajal leur a envoyé un ange pour juger entre eux, il leur a dit de mesurer son corps de sa terre de base, puis son corps de la terre vers laquelle il voulait aller, et l'endroit duquel il sera le plus proche. Les anges le prendront. S'il est plus proche de la terre qu'il a quittée, alors les anges du châtiment. Dans le cas contraire, les anges de la miséricorde. Et il fut plus proche de l'endroit vers lequel il voulait aller, d'un empan ou de très peu. Hakada, celui qui va vers Allah Azzawajal ne sera jamais perdant. Et combien parmi les pieux prédécesseurs ont été questionnés sur le terme Tawbatun Nasuh? C'est quoi qu'Allah a dit dans le Coran? Le repentir sincère. Abdullah ibn Mas'ud a dit que la tawba al-nasuh efface tous les péchés. Puis il a arrêté le verset. Anas ibn Malik nous dit c'est celui qui fond en larmes. Il fond en larmes ou une parole semblable. Al-Hassan al-Basri Rahimahullah ta'ala nous dit c'est le regret du cœur. Il demande pardon avec sa langue et avec ses membres il délaisse les péchés. Hakada. Donc, on a beaucoup de paroles qui vont dans ce sens-là. Pour finir, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le repentir. Innahu at-tawwab ar-rahim, et d'accepter de nous et de nous aider à finir le mois de Ramadan de la meilleure manière. À la fin du mois de Ramadan, sachez qu'il y a une zakat qui est obligatoire, qu'on appelle zakatul fitr. Qu'on appelle zakatul fitr. Le meilleur moment pour sortir zakatul fitr, c'est le matin du Eid. C'est le matin du Eid avant la prière du Eid. Et le temps de permission, c'est un jour, deux jours avant, comme on trouve dans la parole des pieux prédécesseurs. Et il y a aussi des fatawas qui permettent trois jours, même si c'est le moins, yani le plus qu'on trouve, c'est un ou deux jours. On a aussi une fatwa d'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui avait permis trois jours. Donc plus tard elle est sortie, mieux c'est. Donc on conseille aux musulmans de la sortir vendredi. Et ceux qui la feront jeudi, la feront jeudi. Quant au fait de déléguer, on peut déléguer dès maintenant. On peut donner dès maintenant, mais il faut qu'elle soit distribuée dans le temps légiféré. Dans le temps légiféré. Donc pour résumer sur Zakat al-Fitr, il faut acheter de la nourriture ou prendre de la nourriture que nous avons chez nous. Et donner, on va dire, 2,5 kg de nourriture à un musulman qui est dans le besoin. À un musulman qui est dans le besoin. Beaucoup disent, mais c'est quoi dans le besoin? C'est une personne qui a du mal à finir les fins de mois. C'est une personne qui se retrouve toujours juste, ou plus encore. C'est une personne qui est endettée. C'est une personne qui est endettée. Donc on achète 2,5 kg de nourriture de ce qui est consommé en général. Quand je dis 2,5 kg, c'est pour arrondir. Naam, c'est pour arrondir. Et vous trouverez, inshallah, par aliment. Naam, sur la chaîne Telegram Mohsenoun, on postera, inshallah, ta'ala, de manière plus précise. Mais pour arrondir, 2,5 kg. Et le surplus, de toute façon, sera une sadaqa. Donc, il faut sortir cela pour toutes les personnes du foyer et toutes les personnes dont nous sommes responsables. Dont nous sommes responsables. Donc, les parents, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants, tous ceux qui sont dans le foyer, on sort la zakat. Même celui qui vient de naître, on sort pour lui la zakat. S'il est né avant le coucher du soleil, naam, du dernier jour de Ramadan. Ça, c'est la première chose. Pour qui on sort? Pour tout le monde, tous les musulmans. Ceux qui ont jeûné comme ceux qui n'ont pas jeûné. Non, par contre, ce n'est pas obligatoire pour l'enfant qui est dans le ventre encore. La deuxième chose, c'est que même le pauvre, qui a ce qu'il lui faut pour un jour et une nuit, lui aussi, il faudra qu'il sorte sa zakat. Et il a la permission de prendre de la zakat qu'on va lui donner pour la redistribuer. Et si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, vous envoyez un mail, inshallah ta'ala, et on leur acheminera, inshallah. Vous envoyez le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse, et leur situation, et on leur acheminera, inshallah ta'ala, particulièrement dans le 93 et à Paris. Particulièrement dans le 93 et à Paris. Naam. Et si c'est dans les alentours, c'est également faisable. Le troisième point, c'est qu'il faut que ce soit de la nourriture. Ça n'est pas accepté en argent selon l'avis majoritaire des savants. Car le prophète sallam l'a légiféré, yani l'a mentionné ainsi. Zakat al-fitr min Ramadan sa'an. Sa'an, c'est une mesure, 4 fois les mains jointes d'un homme de corpulence moyenne de nourriture. Ça s'appelle un sa'a, ça équivaut yani, à moins de 2,5 kg de nourriture. Aussi, il ne faut pas donner de l'argent. Celui qui a donné de l'argent, il ressort de la nourriture par la suite. Il ressort de la nourriture par la suite. Donc, le point qui souvent pose problème, c'est le temps. Le meilleur temps, c'est après le coucher du soleil, après le coucher du soleil, le jour du Eid, le matin. Mais ça, c'est si tu sais à qui tu vas donner, tu es sûr de pouvoir acheminer à ce moment-là. Dans le cas contraire, donne la nuit du Eid. D'accord? Lorsqu'on annonce que le Eid, c'est le lendemain, commence à les donner. Et si tu veux donner un jour avant aussi, c'est permis. 2 jours avant, 1 jour avant. Et il y a même certains savants qui disent 3 jours avant. Naam, 3 jours avant. Il y aurait même un athar. Naam, il faut étudier l'authenticité. Il y aurait un athar de compagnon. Wallahu a'lam. Donc on encourage les musulmans à mettre en pratique cette grande sunna obligatoire. À prendre la nourriture et à la donner. Et comme j'avais dit, celui qui ne sait pas à qui donner, j'ai reçu beaucoup de messages, on leur a donné des adresses. Nous avons, donc on finit cela et je vous informerai de l'endroit de dépôt. Vous pouvez déposer à partir de demain, inshallah ta'ala. Donc on a un endroit à Bobigny où vous pouvez déposer et on distribuera, inshallah ta'ala. Et qu'Allah récompense tous ceux qui nous apportent leur aide pour gérer ce noble projet parmi les livreurs, parmi les livreurs. Jazakumullahu khayra. Donc le meilleur temps, c'est le matin du Eid, dans le cas contraire, la veille, dans le cas contraire, 2 jours avant. Il faut acheter de ce qui est mangé communément dans le pays. Donc en France, c'est plutôt le riz, pois cassés, dattes, des pâtes. C'est les choses qui sont consommées en général. Mais on ne va pas dire, par exemple, du lait, des gâteaux, de la boisson. Non. Celui qui veut donner cela, il donne cela en sadaqa. Il donne cela en cadeau. Il donne cela en sadaqa. Mais pour zakat al-fitr, il faut donner de ce qui est communément mangé dans l'endroit. Et il n'est pas permis de retarder la sortie de la zakat après le temps de la prière du Eid. Donc même s'il n'y a pas le regroupement pour la salat al-Eid, on prend cela en considération. La zakat doit parvenir aux ayants droit avant la prière du Eid. Barakallahu fikum. Naam. Hada huwa. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى